Alléluia. Prions, Seigneur, merci pour ces moments que nous allons passer dans ta présence. Touche nos cœurs afin que nous puissions faire ta volonté. Seigneur, merci. Nous te bénissons, nous te remercions. Saint-Esprit de Dieu, agis dans ces lieux, agis dans nos vies. Fais une nouvelle chose, Seigneur. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons un programme très chargé. Alléluia. Et je crois que nous serons bénis. Amen. Je ne sais même pas par où commencer. Je ne vois pas si je le book first. Ok. 1 Thessaloniciens 5, verset 1. Il y a deux choses que je dois faire. Et I will do what I can to do all. 1 Thessaloniciens 5, le verset 1. I hope it's the right one. It is. Hallelujah. Are you there? Don't worry, it's the right one. Verset 1. On va lire tout le chapitre. Amen. Et ça, on va le lire ensemble, parce que c'est beaucoup. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul avait beaucoup d'enfants, enfants spirituels. Amen. Et pour lui, c'était important de rester en contact, de garder le contact et de communiquer, de les conseiller et de partager son cœur avec eux. Alléluia. Et une manière par laquelle ou par laquelle il le faisait, c'était par des lettres. Vous savez, c'était pas l'époque de Internet où tu envoies seulement un email, le même jour ils ont. Quand tu fais une lettre, ça peut prendre des mois, je crois, d'arriver. Et quand tu reçois une lettre, c'est comme de l'or. Tu gardes ça et tu lis ça, tu gardes ça parce que c'est la personne qui vient te rendre visite en fait. Alléluia. Donc nous allons lire le verset, le chapitre 5, et vous allez voir le cœur de Paul envers le peuple de Thessalonique. Ok. Il est thessalonicien. Verse 1. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? C'est important que vous lisiez. L'écran là, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Ok? Let's go. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent la nuit. Et ceux qui, mais, verset 8, mais nous qui sommes sobres du jour, soyons sobres et en revêtus et de la charité et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Paul est en train de rappeler aux Thessaloniciens la raison pour laquelle ils sont en Christ. Ce qu'ils ont accepté, ce qu'ils ont compris. Amen. Il leur disait qu'il faut pas être comme les autres. Vous êtes différents. vous êtes mis à part. Faut pas oublier que vous êtes différent. Alléluia. Les autres opèrent la nuit, mais vous, vous êtes la lumière, vous êtes de la lumière. Et vous devez vous comporter ainsi. C'était le rappel de ce qu'ils savaient déjà. OK? All right, let's continue. Verse 10. Soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Amen. Est-ce que vous avez compris? C'était sa parole pour les encourager et encourager l'église de Thessalonique de rester fidèle, d'encourager ceux qui, de soutenir ou de respecter, de considérer ceux qui les enseignaient, leurs responsables. Amen. Verset 13. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, pas à cause de leur personnalité ou de leur gentillesse, ou de leur spiritualité, mais à cause de leur œuvre, de ce qu'ils font, leur position. Amen. Est-ce que vous comprenez? Soyez en paix entre vous. Paul n'était pas là, mais il encourageait. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. On dirait qu'il nous écrit aujourd'hui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On dirait qu'il vous connaît. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez tout ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre être, esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Ça, c'est votre être. Vous n'êtes pas seulement un corps. Il y a encore l'esprit. Il y a aussi l'âme. Quand vous passez par l'école de nouveaux croyants, vous avez les 7 grands principes, n'est-ce pas? Vous êtes un esprit, vous possédez une âme et vous habitez. Vous voyez? Que tout votre être, amen, soit conservé. Amen. Verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Donc vous n'avez pas vous confier à votre propre force. Il le fera pour vous. Amen. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Un saint baiser. Le baiser doit être saint. Verset 27. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, maintenant et pour toujours. Amen. Alléluia. On dirait que la lettre a été écrite hier et nous envoyée aujourd'hui. C'est tellement à jour. Ça, c'est la Bible. Amen. Je veux qu'on regarde encore le verset 27. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Une idée, devinez, une suggestion. Pour qu'ils savent ce qui se passe, ok? Angela, pourquoi Paul voulait que la lettre soit lue à tout le monde? Say it. Pour qu'ils savent ce qu'il faut faire. Pour qu'ils savent ce qu'il faut faire. What else? Yes. Pour qu'ils soient dans les normes. Ils soient dans les normes. Pour qu'ils aient la vérité. Pour qu'ils aient la vérité. Ils sont tous concernés. Pour qu'ils sachent qu'ils sont tous concernés. Pour lire les instructions que Paul les avait demandées. Pour lire les instructions que Paul les avait données. Anybody else? Il n'y a pas de réponse correcte. Je veux connaître votre avis. Why are you so? Pour leur encourager. Encourager, ok. Pour qu'ils s'édifient entre eux. Pour qu'ils se gardent, en fait, de ce qui peut-être va arriver. Pour qu'ils se gardent, se protègent de ce qui pourrait arriver. Pour s'apprêter à l'avènement du Seigneur. Pour s'apprêter à l'avènement. Pour qu'ils sachent qu'ils se soucient d'eux. Pour qu'ils sachent qu'ils se soucient d'eux. Pour vivre conformément avec le Seigneur. Pour qu'ils vivent conformément avec le Seigneur. Donc vous avez tous raison. Ok? Il a écrit une lettre et il trouvait que la lettre était très importante. Donc il voulait que tout le monde soit au courant. Il voulait que tout le monde ait conscience de ce qu'il avait à cœur pour eux. Do you understand? Grâce, do you understand? Amen. Donc, il voulait que la lettre soit lue à tout le monde. C'était une lettre, une copie. Comment est-ce que les autres devaient savoir? Tout le monde ne pouvait pas avoir la lettre. Donc, il a dit, rassemblez les gens et lisez la lettre à tout le monde. Je veux qu'ils connaissent mon cœur. Je veux qu'ils connaissent mon opinion. Amen. Parce que l'église était grande. En un jour, il pouvait y avoir 5000 personnes ajoutées à l'église. Est-ce qu'il devait faire des photocopies pour envoyer à tout le monde? Il n'y avait pas l'internet pour envoyer ça dans le inbox. Donc il a dit, lisez cette lettre à tout le monde. Comment? C'était à l'église. Amen. Donc c'est un moyen par lequel Paul pouvait communiquer avec toute l'église, avec tout le monde. Vous rassemblez les gens et lisez la lettre. Dites-leur ce que je pense. Dites-leur ce qu'ils doivent faire. Enseigne-les. Amen. Ça, c'est l'importance de ce verset 1 Thessaloniciens 5, 27. Alléluia. Et nous, ici à Lighthouse, nous avons cette même idée. Nous croyons vraiment à cela. Que c'est important pour que nous tous connaissions ou sachions le cœur de notre père, de notre papa, l'évêque Doug Ewart Mills. C'est un grand homme de Dieu. Si vous ne saviez pas, je vous le dis. Et si vous n'avez jamais assisté à une conférence ISI, vous ne comprendrez pas ce que je suis en train de dire. De voir des hommes de Dieu, pasteurs des églises, qui ne sont pas connectés à Lighthouse, quitter leurs églises pendant combien de jours pour venir à Accra, payer le billet d'avion, venir ici pour écouter ce que cet homme a à dire, acheter les livres qu'il a écrits. Ça veut dire dormir au sol, des grands hommes, des pasteurs, dormir au sol juste pour pouvoir assister à la conférence. Ça doit vous dire que cet homme doit avoir quelque chose à dire. Parce que ce ne sont pas des membres de Lighthouse où on peut dire, oh non, c'est parce que ce sont des membres, ils sont obligés. Amen. Ces hommes ont vu quelque chose en lui qu'il veut aussi recevoir. Maintenant, nous qui sommes des membres de l'église où il est, où il prêche, pourquoi nous ne sommes pas intéressés par ce qu'il a à dire? Je trouve que c'est dommage. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour cette vision, Arnaud, de l'évêque, de nourrir ses brebis. Amen. Donc, il a établi, ou nous avons établi, donc le conseil de l'église, le conseil général de l'église a établi ce jour ou ce mois, et le mois s'appelle, c'est le mois, bon, la période, c'est 6 semaines, s'appelle Feeding 5 to 7, donc nourrir 5-27, paître 5-27, et ça vient de ce verset, 1 Thessaloniciens 5-27, où nous allons rassembler l'église et nous allons leur lire une lettre que l'évêque a écrite. Alléluia. Si vous allez dans toutes les églises de Lighthouse pendant le mois de mai, tout le mois de mai et 2 semaines en avril, donc les 6 semaines à venir, tout le monde est en train d'enseigner cette même lettre. Alléluia. Donc si vous n'aimez pas le sujet, vous croyez que vous allez fuir pour aller dans une autre église, vous allez tomber sur le même message. Alléluia. Je suis sûre que vous avez vu des gens dans le parking vendre le livre. Ça, c'est la lettre que nous allons lire. Ça, c'est la lettre que notre Père nous a écrite et nous allons lire ce livre pendant les 6 semaines à venir. I'm posing for you, so hurry up. Amen. Petre 5:27. Quand on parle de 5:27, c'est ça. Maintenant, tout le monde doit avoir ce livre. Tout le monde. Amen. Qui n'a pas ce livre? Tout le monde. Yeah. Hey, do you have the book? You. Tu as le livre. Tu as le livre. Il est où? Oh, ok. It's our fault. On a fait une erreur de ne pas annoncer ça. Mais, ce livre, normalement, se vend à combien? 20 Ghana. Pendant ce mois. Non, même pas. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, en fait. Si vous n'achetez pas ça aujourd'hui, vous allez payer 20 Ghana. Bon, peut-être mercredi, c'est le dernier jour, parce que on n'a pas amené ça plus tôt. Mais on va le vendre à 5 Ghana CDs. Vous savez que c'est pas le prix. Amen. On a tout fait pour faire imprimer le livre et puis baisser le prix pour que vous puissiez acheter. Et c'est pas facile parce que nous devons payer la différence. Ok? C'est à 5 Ghana CDs et nous allons vendre des copies tout de suite. C'est en français. On a acheté ça, on a fait ça en français pour vous. Ok? Ashers, are you ready? Est-ce que les acheteurs ont des copies? Vous prenez l'argent tout de suite. Vous avez combien de copies par personne? 10. Afterwards, 10 fois 5, c'est combien? Prends l'argent! Si tu ne... tout le monde qui a le livre, 10 copies, tu dois prendre l'argent. Si tu ne prends pas l'argent, 50, si, tu vas payer la différence. Right now. Can you give us a song whilst we are... Five Ghana CDs, tout de suite. On n'a pas beaucoup de copies. Donc, fais tout pour avoir une. Si tu n'as pas d'argent, demande à ton voisin, pardon, aujourd'hui, là, tu vas me payer ça et je te rembourse. It's finished. Where's mine? Ah, okay, sorry, cool. Cool, it's okay. send me that to me. They finish distributing the books. Me donne tout à toi. Who wants? Si vous voulez une copie, friend. Me donne tout à toi. Même si vous avez ça sur votre tablette, il faut avoir une copie. Me donne tout à toi. Il faut avoir une copie. C'est important. Nous allons tous prendre et vous ne devez pas oublier le livre quand vous venez à l'église. C'est comme à l'école. On va tous suivre. C'est important. C'est une lettre que notre Père nous a écrite. Le titre du livre, c'est Père, souffrir, sacrifier et mourir. Sauveur du monde entier, il règne et conquis la mort. Jésus conquit la mort. Jésus, tu déplaces les montagnes. Mon Dieu est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Pour toujours, sauveur du monde entier. Il règne et conquit la mort. Jésus conquit la mort. All right. Qui n'a toujours pas de copie? Qui n'a pas de copie? Toi, tu n'as pas de copie. All right. Il y a des gens ici qui peuvent acheter deux copies. Vous pouvez acheter une copie pour quelqu'un. Si tu veux acheter une copie pour quelqu'un, lève la main. Tu vas sacrifier ton acheter aujourd'hui. Ici, il veut payer pour quelqu'un. Qui n'a pas de livre et qui n'a pas d'argent? Donne ça à Gaston, Cédric. Le livre qu'il a payé là. Il a payé ça pour qui? Donne ça à Gaston. Tu as payé ça pour quelqu'un? Ah, ok. Qui va payer? Un livre. Là, Gaston, tu veux payer pour quelqu'un? Ah, ok. Paye. Donne le livre à Gaston. Qui n'a pas de livre? Qui n'a pas d'argent? Gaston, tu peux donner ça au jeune homme qui est derrière grâce. Qui a payé pour lui? You people are confusing me. Ok, arrêtez de vendre. Arrêtez de vendre. All of you who are selling, go to the back. Qui n'a pas de livre et qui veut une livre? Qui? Tu n'as toujours pas. I thought Lara just paid for you. Then give it to him. Ok. Qui peut payer pour quelqu'un? You can buy one for somebody. You can buy one for somebody. Gaston, tu as déjà payé le livre et tu as donné ça. Ok. Combien? Lift your hand if you can pay for somebody. Si tu peux payer pour quelqu'un. Vite, vite, vite, vite, vite. Give it to those who have lifted up their hands. Stay where you are. Stay where you are. Stay where you are. Fred, Fred, ok, maintenant qui n'a pas de livre et qui n'a pas d'argent? Can you hurry up, please? Qui n'a pas de livre et qui n'a pas d'argent? Yano. Yannou, disappear. Qui n'a pas de livre et qui n'a pas d'argent? Ok. Qui a deux livres? Ok, si tu n'as pas de livre, lève-toi. Tu veux un livre mais tu n'as pas d'argent, lève-toi. C'est lui qui va donner. Quickly! Il y a quelqu'un ici. please. No, no. That book, hold it. Okay, finish, finish. Everybody go back. Si tu as deux livres, donne-moi deuxième copie. Anybody else? Tu as acheté un livre, mais tu n'as personne à donner. Ok. On va donner ça au deuxième culte. The instrumentalists don't have. They don't have money. All of you. Hey! Si je te vois en train d'acheter la tchéquée après le culte. Tu en as. Toi, tu n'as pas. All right, you are blessed. Pour ceux qui ont acheté pour deux personnes, God bless you. Hallelujah. Amen. All right, good. Open your book to page 1. Merci. Excusez la qualité, hein, c'était imprimé au Nigeria. Forgive. Amen. Vous voyez, le sujet de cet exercice ou cette lettre n'est pas un sujet très agréable pour beaucoup d'entre nous. Et quand vous allez au bookshop et vous voyez un livre avec un titre pareil, je suis certaine que vous allez vous détourner. Forcément, vous allez trouver un livre qui parle de succès, qui parle de blessing, de percée, de breakthrough, de receiving it, parle de foi, de la foi, l'onction, parce que c'est ce qui nous fait plaisir. C'est ce qui nous rend joyeux. Amen. Mais ce sujet, c'est un sujet où ce sont des sujets très importants pour tout chrétien. Amen. Hallelujah. Je sais qu'on a déjà utilisé ce livre ici, mais je suis sûre que beaucoup ont déjà oublié. Amen. Et c'est important pour nous de revoir, amen, le sujet de perdre, souffrir, sacrifier et mourir. Amen. Le chapitre 1, les quatre rendez-vous spirituels. Les quatre rendez-vous spirituels. Dans ce livre, l'évêque parle de ces quatre rendez-vous. Il les appelle rendez-vous parce qu'ils disent que ce sont des choses que tout chrétien va traverser ou va expérimenter une fois ou plus dans leur vie. Amen. Ce sont des choses, un rendez-vous, normalement, vous devez garder. Il y a beaucoup qui ont raté leur rendez-vous, un rendez-vous pour un entretien, pour un travail, ils arrivent en retard et c'est mal vu. Mais il y a certains rendez-vous que vous ne pouvez pas rater. Par exemple, le jour de ta naissance. C'était le jour où tu devais venir. Et puis tu es venu. Les médecins ont dit que tu devais arriver le 4 avril, tu es arrivé le 26 mars. Ton rendez-vous était le 26 mars. Certaines personnes sont arrivées 2 mois en avance. Ça, c'était le rendez-vous que tu avais. Mourir aussi, c'est un rendez-vous. Le jour où tu dois mourir, tu vas mourir. Tu peux faire le gymnastique, tu peux jeûner, tu peux faire le régime, perdre des kilos, tu peux... Si c'est le jour où tu dois partir, tu vas partir. Tu peux mourir même en train de faire le jogging. Quelqu'un peut mourir en train de manger. Quelqu'un peut mourir en train de dormir. Amen. Ça, c'est le rendez-vous que tu as. Et tu vas le garder. Amen. Chaque chrétien va passer par ces étapes. Amen. Que vous le vouliez ou non. Si c'est un sujet agréable ou pas, vous devez passer par ces expériences. Alléluia. Donc, il vaut mieux quoi, prévenir que guérir. Amen. Si je vous dis qu'un jour tu vas perdre quelque chose, quand le jour arrivera, tu vas mieux accepter. Si je vous prêchais tout le temps, oh, tu vas réussir, je te vois en train de gagner, ah, tu es la tête et non la queue, oh, tu es le futur président, tu vas recevoir jusqu'à le jour où tu vas perdre quelque chose, tu vas dire que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Amen. Alléluia. Et c'est important pour nous les pasteurs et les leaders de prêcher toujours et de vous dire la vérité. Amen. On ne peut pas vous tromper. On ne peut pas dire que la vie sera une vie agréable en rose pour toujours. Bien sûr qu'il y aura des jours agréables, des jours de joie. Amen. Mais il faut que je te dise, hein, Arnaud, que tu vas perdre quelque chose. Amen. Yeah. Tu vas souffrir. Hans, tu vas souffrir. Amen. Tu vas souffrir. Yeah. Junior, tu vas mourir. Oh. Amen. Yeah. Colombe, tu dois sacrifier quelque chose. Amen. Ce sont des rendez-vous que nous tous nous allons garder. Et il faut que nous soyons conscients de cela. Alléluia. Nous soyons prêts. Amen. Suivre Jésus n'est pas facile. Amen. Vivre pour Jésus n'est pas facile. Ne croyez pas quiconque vous présente une fausse version du christianisme. Amen. Le christianisme, c'est suivre Jésus-Christ et devenir semblable au Christ. Christ a souffert. Amen. Il a fait des sacrifices. Il a fait un grand sacrifice. Alléluia. Et il est mort. Si tu veux suivre Jésus-Christ, il faut être prêt à passer par les mêmes étapes et les mêmes épreuves. Alléluia. Amen. Ça fait partie de la vie chrétienne. On ne peut pas fuir. Amen. Quand tu lis la Bible, parfois tu penses que Jésus-Christ ne veut pas que les gens le suivent. Tu auras l'impression qu'il essaye de nous décourager de le suivre. Amen. Il nous met en garde. Et parfois, c'est tellement négatif que tu as peur de le suivre. Après avoir prêché un message pareil, si je fais l'appel au salut, je me demande si quelqu'un va accepter. C'est pas facile d'accepter de mourir, de sacrifier, de souffrir. Faut que je réfléchisse d'abord avant de lever la main. Amen. Mais malgré cela, il y a des millions, des millions, des millions de personnes qui suivent Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le fait de souffrir, de mourir, de sacrifier et de perdre nous ouvre la porte à des meilleures choses, des choses incomparables. Amen. Mais il faut accepter que pour atteindre cet objectif, il faut passer par des temps difficiles, passer par des moments difficiles. Alléluia. Amen. Are you listening to me? Good. Et Jésus ne baisse la barre à personne. Il ne va pas faire une exception pour toi. Il ne va pas dire, oh, l'indieuse, elle chante trop bien pour souffrir. Non, je ne peux pas la faire souffrir, elle chante trop bien. Ça aurait été bien, mais ce n'est pas le cas. Amen. Il ne va pas changer les règles pour qui que ce soit. Dis, oh non, l'autre, il est trop gentil. Oh, mais quand tu regardes Holy Lord, elle a l'air si gentille, elle ne doit pas souffrir. Elle doit passer toute sa vie à recevoir seulement des bénédictions. Amen. On va dire que quelqu'un, non, elle est trop belle, elle ne peut pas souffrir. Elle est trop belle, elle ne peut pas mourir. Elle doit vivre longtemps pour que les gens enjoy de sa beauté. Tout le monde doit passer par ces étapes et ces périodes. Alléluia. Are you there? Et n'écoutez personne qui vous dit le contraire. Amen. Alléluia. Souvent, les pasteurs essayent de encourager les gens et ils le font tellement qu'ils oublient qu'il y a un autre message qui nous rappelle la vérité. La vérité de suivre Jésus-Christ n'est pas une vie en rose. Amen. Beaucoup de personnes laissent tomber leur foi parce qu'ils passent par des moments difficiles. Ça, c'est pas normal. Amen. Tout le monde veut être béni, tout le monde veut être dans la joie, tout le monde veut... Mais c'est écrit où que Jésus-Christ était tout le temps dans la joie? Il était tout le temps heureux, tout le temps béni. Même Jésus a pleuré. Amen. Même Jésus a été rejeté. Pourquoi toi tu veux une vie, une belle vie? Amen. Et les pasteurs nous donnent des messages pour nous faire plaisir. Parce qu'ils ne veulent pas avoir une église vide. Alléluia. Et si vous lisez en 2 Timothée 3, verset 2 Timothée 4, verset 3 et verset 4. La Bible dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Amen. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Yeah. À cause des démangeaisons, d'entendre des choses agréables, vous allez courir après les pasteurs qui prêchent seulement des choses agréables. Les églises des pasteurs qui prêchent sur la foi sont des grandes églises. Amen. Les gens qui prêchent sur la foi, la prospérité, ont toujours des grandes, grandes, grandes assemblées, des grandes églises. Yeah. Pourquoi? Parce que les gens veulent entendre des choses pareilles. Quand il y a une convention, les gens viennent. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose à recevoir. Amen. Ça, c'est le genre de chrétien que nous avons aujourd'hui. Mais si nous voulons suivre Jésus-Christ, nous voulons suivre son exemple. Nous voulons être comme lui. Soyons prêts. Alléluia. Soyons prêts. Demande à ton voisin, tu es prêt? Parce que le rendez-vous là, tu ne vas pas le rater. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez peur? Ok. Dans ce livre, c'est pour nous montrer que ces rendez-vous sont réels. Et nous allons passer par des épreuves, nous allons passer par des difficultés, nous allons rencontrer des choses pas agréables. Mais nous ne devons pas abandonner la foi à cause de ça. Nous devons nous dire que c'est normal. C'est normal qu'un chrétien passe par des moments difficiles. C'est normal que je perde quelque chose. C'est normal que je souffre à cause de Christ. C'est normal. Tu n'es pas anormal. C'est pas forcément parce que tu as péché. Amen. Souvent, on pense que si quelqu'un passe par des moments difficiles, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Pas forcément le cas. Qu'est-ce que Jésus a fait? Mais il a souffert. Rejeté par sa propre famille. Les villageois, les gens avec qui il a grandi, l'ont rejeté. Pourquoi toi, tu ne veux pas être rejeté par ta famille? Alléluia. Amen. Amen. Nous devons regarder et comprendre que ces choses font partie de la vie. Amen. Votre rendez-vous avec la perte. Page 3. Matthieu 16, 25. La raison pour laquelle vous avez le livre, c'est pour que si on ne termine pas le chapitre, vous allez le lire à la maison. C'est pas pour le mettre quelque part et puis dimanche prochain tu commences à chercher où est mon livre. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et quiconque perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Tu vas perdre quelque chose, forcément, si tu veux vraiment suivre Jésus-Christ. Il y a beaucoup qui ne veulent pas vraiment suivre Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils ne sont pas prêts à perdre. Ils ne sont pas prêts à donner même pas le moindre des choses. Alléluia. La vie doit être belle, sinon je ne sers pas Dieu. Tout doit marcher, sinon j'abandonne. Je retourne dans le monde. Tu n'es pas prêt à suivre Jésus-Christ. Amen. Philippiens 3, versets 7 et 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte. Alléluia. Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai renoncé à tout. Chrétien, est-ce que tu es prêt à renoncer à tout pour suivre Jésus-Christ? Est-ce que tu considères le fait que tu es chrétien quelque chose d'excellent? Il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Waouh! Prêt à renoncer à tout, s'il le faut. Si je dois faire le choix entre suivre Jésus-Christ et renoncer à tout, je suis prêt. Renoncer à tout quoi? Amen. À cause de Christ, vous aurez rendez-vous avec la perte et perdre. Cela signifie beaucoup si vous prenez le temps d'y penser. Ah, point 1. La perte signifie que certaines choses viendront à vous manquer. Il pourrait y avoir peu ou aucune chance de récupérer ce que vous avez perdu. Waouh. B. La perte signifie que vous allez être privé de certaines choses. Vous allez être privé de certaines choses pour suivre Jésus-Christ. Pour obéir à Christ. Vous allez être privé de certaines choses. Peut-être c'est une certaine qualité de vie. Tu seras privé de ça pour suivre Jésus-Christ. Toi, tu veux vivre aux États-Unis. Mais si tu mets pied aux États-Unis, tu vas backslide. Voilà pourquoi tu as été refusé, rejeté le visa. Ça fait 3 fois que tu as essayé. Et ça n'a pas marché. La qualité de vie que tu, dont tu, hier, je suivais une émission à la télé, BBC. Et ça montrait un groupe de personnes, des Indiens, de l'Inde, qui sont partis à Londres pour chercher une meilleure vie. Ils voulaient travailler et puis envoyer l'argent à la famille. Et ça montrait la difficulté par laquelle ils passaient, les difficultés. Ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient pas de travail, ils dormaient sous les ponts, dans les brousses, dans les parcs, ils se cachaient. Mais c'était vraiment terrible. Et je me demandais pourquoi on ne passe pas ces émissions à la télé. Pourquoi on ne montre pas aux gens que c'est pas forcément le jour où tu mets pied en Europe ou aux États-Unis que tu vas réussir. Il y a un homme qui était policier en Inde. Il a fait 8 ans sans travail. Il était sous les ponts. Il était devenu un soulard. Quand il prend un peu d'argent, tout de suite il va boire. Il est tombé malade. Il a maigri. Il était souffrant. Donc il y a une dame qui a formé un ONG pour aider les gens à être répatriés, si tu veux. Même pour être répatrié, c'était des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il a perdu son passeport. Il devait aller voir les responsables. Donc Home Office, Home Office, ministère de l'Intérieur, je sais pas, ou Immigration. Département de l'immigration. Parce qu'il a tellement bu, il a raté le rendez-vous. Et à cause de ça, ils ont reporté sa date. Donc, il a fait 8 mois du jour où il a décidé de partir pour partir. encore 8 mois sous le pont, n'avait rien à manger. C'était cette dame qui lui cherchait à manger, à des vêtements, un vieux. Et le jour où il arrive à la maison, la femme, sa femme, sa fille qui avait 9 ans quand il est parti, sa sœur, je sais pas qui, était à l'aéroport, tout le monde pleure. Quand on le voit, après 8 ans à Londres, il était malheureux. Et puis sa femme a dit, ça aurait été mieux s'il n'était pas parti. Parce qu'on a fait un prêt, pour qu'il voyage, pour acheter le billet. Le premier mois, il a envoyé 4 000 $, on a payé. Depuis, on n'a pas payé. Et l'intérêt ne fait que monter. Il est revenu. Il y avait 2 personnes qu'ils ont montrées. Le deuxième homme, lui aussi, il n'était pas policier, il était dans l'armée. Quelques mois après son retour, il est mort. Je crois qu'il, je sais pas, il était tellement découragé. Donc c'est pas cette idée de voyager qui va vous faire réaliser vos rêves. C'est pas le fait d'avoir votre master degree en pétrole, pétrochimie, qui fera de vous un homme riche. Amen. Vous devez être prêt à perdre quelque chose, à renoncer à certaines choses. Alléluia. Pour être comme Jésus-Christ. Amen. Are you there? Hey. Si on ne vous a pas obligé à acheter ce livre, je crois que beaucoup n'allaient pas acheter le livre. Amen. C'est la perte. La perte signifie que vous serez incapable de garder ou d'entretenir certaines choses dans votre vie. Vous serez incapable. Peut-être votre décision de suivre Jésus-Christ fera de sorte que vous ne vivrez jamais what are the rich areas in your country? Côte d'Ivoire, c'est Cocody. Quartier des chocos. That's what Bishop said last week. Cocody, quartier des chocos. Peut-être à cause de votre décision de suivre Jésus-Christ, vous ne pourrez jamais vivre dans un quartier comme Cocody. La Sablière. Airport Residential. What's the name of that one? Chasako Valley. Manette is not anything. Trasaco. Hey! Yeah. Peut-être votre décision de suivre Jésus-Christ, à cause de ça, tu ne vas pas tricher, tu ne vas pas rouler des gens, tu ne vas pas... Tu es prêt à donner ce rêve pour suivre Jésus-Christ. Wow. Tu seras incapable de vivre à Cocody. Incapable. C'est pas que tu ne veux pas. Tu ne peux pas. Parce que tu as décidé de suivre Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt? Ruth! Yeah. Peut-être tu ne vas jamais te marier parce que tu as décidé de suivre Jésus-Christ. Are you ready? What a shock. Yeah! Yeah! Parce que les gens qui vous demandent un mariage sont ou des hommes mariés ou ils veulent forniquer matin, midi, soir et toi tu as décidé non, je ne veux pas. Donc il dit, alors, va-t'en. Ah! Are you ready? Are you ready? Wow! Tes yeux sont bien ouverts. What a shock. Yeah. Incapable de garder certaines choses. D. La perte signifie que vous devrez abandonner et renoncer à la possession de certaines choses. Ton rêve, c'est d'avoir un BMW. Mais le travail que tu vas trouver, parce que tu veux servir Jésus-Christ, tu vas acheter un Hyundai. K. Kia. C'est pas parce que tu ne connais pas ce qui est bien, tu ne connais pas la valeur des voitures ou tu ne connais pas la valeur des choses, mais parce que tu as décidé si je vais travailler à Barclays Bank, ils vont me faire travailler jusqu'à même les dimanches, je vais travailler, je ne pourrai pas prier, je refuse ce travail, je renonce à cette position parce que ça va m'éloigner de mon Dieu. Combien de personnes sont prêtes? Combien de personnes? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Waouh! À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Hey! Come on now! Yeah! Numéro 2, votre rendez-vous avec la souffrance. Ça, c'est un mot dont nous tous, nous sommes allergiques. La souffrance. À cause de Christ, nous aurons un rendez-vous avec la souffrance. Cela signifie beaucoup. Si vous vous souciez de savoir ce que signifie réellement la souffrance. N'écoutez pas ceux qui n'incluent pas le concept de souffrance dans leur chemin de foi. Yeah. Certaines personnes disent, ah, j'ai de la foi, je ne vais jamais tomber malade. J'ai de la foi, je ne vais... C'est beau, c'est bien. Mais si tu tombes malade, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Il y a des églises qui n'enterrent pas les gens à l'église si vous êtes mort avant l'âge de 70 ans. Ils disent que tu n'as pas eu la foi. Il y a des églises comme ça. Et si je mentionne le nom, tu seras surpris. Si tu es mort avant 70 ans, ça veut dire que tu n'as pas exercé la foi et ils ne vont pas t'enterrer. Exactement. Jésus-Christ est mort à quel âge? Jean-Baptiste est mort à quel âge? Et c'était des hommes les plus joints dans la Bible. Donc si vous parler d'une certaine manière, on voit immédiatement que tu ne sais pas de quoi tu parles. Alléluia. Il est beau d'avoir la foi. Si j'ai prêché sur la foi, exerce ta foi. Mais si tu souffres, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas réel. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi ou tu as fait quelque chose de terrible. Amen. Jésus-Christ a souffert, mais tous nous savons qu'il est sans péché. Pourquoi toi tu ne veux pas souffrir? Un peu de souffrance, tu abandonnes la foi. Ah, c'est trop dur. Ah, c'est trop difficile. Servir Dieu, c'est... Tu ne veux pas souffrir. Mon frère, tu vas souffrir. Il y a un rendez-vous qui t'attend. C'est obligatoire. Viens. Il faut être prêt. Tu regardes, tu regardes. La souffrance. Hein? Attrape ton cœur. Amen. I'm enjoying the message, Bia. Hallelujah. Ah, on va terminer parce qu'il y a un deuxième culte qui va commencer. La souffrance signifie que vous serez sujet à la douleur, la détresse, la perte, la blessure ou autre chose désagréable. Hey! Yeah. Quand vous passez par des moments désagréables, n'abandonnez pas votre foi. Ne dites pas que Dieu t'a abandonné. Il t'a pas abandonné. Il est en train de t'accueillir. Il est en train de dire, bienvenue mon enfant. Tu es comme Jésus-Christ. Viens. Viens. Enfin. Yeah. Il est en train de dire, oh, ça c'est bon. B, la souffrance signifie que vous allez connaître l'adversité, l'affliction, le malheur, la misère dans votre vie. Hey! Dis à ton voisin, attrape ton cœur. La souffrance, C, signifie que vous allez connaître la faillite, La gêne, waouh, et la difficulté. Souffrance signifie que vous serez tourmenté, vous serez torturé. Hey, vous allez connaître l'adversité. Philippiens 1, 29, 30. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. En soutenant le même combat que vous avez vu soutenir. Et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Amen. Paul était quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. Pour Christ. Waouh. Et pour lui, c'était un privilège. Pourquoi vous fuyez la souffrance? Attrape ton cœur. Dis, Seigneur, tu es fidèle. Tu vas me tenir. Pourquoi vous citez, vous savez que le psaume 23, c'est un des psaumes le plus connu, le favori de tout le monde. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. What does it say? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car yeah. Non, go back, go back, go back, go back, go back. Verse 1. 2. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. We like that one. On aime ça. 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4. Quand, pas si, mais quand je marche dans la vallée, pas quand je m'envole au-dessus de la vallée, je suis dedans. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Tu es avec moi. Mais tu dois marcher dans la vallée. Tu dois être dans la vallée. Et quand il y a l'ombre, ça veut dire que la chose est proche. Quand tu vois l'ombre dehors, ça veut dire qu'il y a un arbre. Tu ne peux pas enjoyer l'ombre sans pourtant voir un arbre. Amen. Donc, la souffrance fait partie de la vie chrétienne. Amen. Page 6. Votre rendez-vous avec le sacrifice. And we will end soon. À cause de Christ, vous aurez rendez-vous avec le sacrifice. Tu ne peux pas parler de Jésus-Christ sans parler de sacrifice. C'est lui qui a montré ce que c'est mourir pour ce que tu crois. C'est pas ces Al-Qaïda, les gens de Al-Qaïda qui ont commencé l'histoire de se sacrifier pour la foi. C'est Jésus. Amen. Il s'est donné, il a donné sa vie. Il a dit, c'est pas toi qui me fais mourir. Oh. Je me livre. C'est moi qui me donne. Tu penses que tu m'as eu? Non. C'est parce que je me suis laissé avoir. Il y a une différence. Yeah. Quand tu vas sacrifier un animal, l'animal ne vient pas paisiblement. Il se bat pour sa vie. Yeah. Si tu ne fais pas attention, il va te griffer, il va te mordre. Jésus-Christ s'est livré tranquille. Quand on posait des questions, et Ponce Pilate a dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir. Il dit, my friend, forget about that. Pas toi qui as le pouvoir. On a posé tellement de questions. Il n'a pas répondu, il n'a même pas ouvert la bouche. Mais quand Ponce Pilate a osé dire, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir, il a dit, non, ça là, je ne vais pas te laisser penser que c'est toi qui as le pouvoir sur moi. C'est moi qui me livre. Mais nous, les chrétiens, nous fuyons le sacrifice. Sacrifice chrétien. Tu vois venir le sacrifice. Hein? Où Saint Bolt ne peut pas t'attraper. Yeah. Hmm. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un service raisonnable. C'est pas un service extraordinaire. C'est pas un service exceptionnel. C'est un service raisonnable et normal, tout à fait normal, que tu donnes ta vie comme un sacrifice vivant. Hallelujah. Amen. Amen. Sacrifier signifie offrir vos possessions matérielles à Dieu pour le glorifier. Sacrifier signifie renoncer à quelque chose de précieux. Hallelujah. Amen. Amen. 4. Votre rendez-vous avec la mort. À cause de Christ, vous aurez rendez-vous avec la mort. Dire que quelqu'un va mourir signifie beaucoup. Amen. C'est pourquoi Jésus nous a dit de porter notre croix et de le suivre. Amen. Mourir signifie cesser d'exister et de fonctionner. Waouh. Mourir signifie perdre de la force et de la puissance. Mourir signifie disparaître à petit feu. Mourir signifie définitivement cesser, arrêter complètement d'exister. Si tu meurs, c'est fini. Il y avait des gens qui étaient parmi nous, mais aujourd'hui ils ne sont plus. Pas parce qu'ils sont rentrés, mais parce qu'ils sont morts. Ils ont fini d'exister. C'est fini, c'est un point final à leur vie. C'est pas comme la sœur lindieuse. On lui avait dit au revoir, elle était partie. Mais elle est revenue. Et je pense qu'elle va revenir encore. Donc c'est pas un point final. Mais il y a certains qui sont partis, point final, c'est tout. Ça c'est mourir. Amen. Quand tu meurs pour Christ, ça veut dire que tu ne retournes pas. Forever. It's finished. Amen. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je ne vis plus, ça veut dire quoi? Je suis mort. Je ne vis plus. C'est Christ qui vit en moi. Je ne suis plus vivante. Tout ce qui m'arrive parce que c'est Dieu qui veut. Je n'ai pas de choix. Je n'ai pas de préférence. Parce que je ne vis plus. Amen. Ce n'est plus important pour la sœur Christelle si tu dis que j'ai gardé ta place pour toi. Elle a dit, je n'ai pas besoin de cette place. Elle est là où elle est. C'est pas comme ça. Elle ne transpire pas. Fait pas chaud. Il n'y a pas d'augmentation de transport tous les deux semaines. Il n'y a pas de coupure d'eau et d'électricité. Elle va dire, pardon, ta place que tu as gardée là, tu regardes, je ne veux plus. Je n'ai pas besoin de ça. Amen. Et si tu meurs pour Christ, si tu as un Mercedes, tu n'as pas de Mercedes. Je suis morte. Je n'ai pas besoin de Mercedes. Je n'ai pas besoin de travailler à Schlumberger. Si j'ai un travail à Schlumberger, gloire à Dieu. Mais si je n'ai pas un travail à Schlumberger, je ne vois pas comment je suis perdant. Parce que je suis morte. C'est ça la différence. Amen. Are you with me? Combien d'entre nous sont prêts pour ces 4 rendez-vous? Waouh! Que vous soyez prêts ou pas prêts, vous allez tomber dedans. There must be a rendez-vous. Que vous soyez prêts ou non, le rendez-vous est là. Amen. Donc il faut que nous en soyons conscients. Amen. Hallelujah. Avec les 4 rendez-vous que Dieu a prévus pour nous. Amen. Et je sais que nous allons résister à la tentation d'abandonner. Amen. par la grâce de Dieu. Levez-vous. On a encore des choses à faire. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, fortifie-nous dans l'homme intérieur pour pouvoir passer par ces rendez-vous sans abandonner. Priez pour vous-même. Priez ce matin, Seigneur. Ces rendez-vous sont difficiles. Ces rendez-vous sont durs. Oh Seigneur, mais je sais que tu es avec moi. Tu m'as promis que tu ne vas pas m'abandonner. Tu ne vas pas me laisser seule. Pendant ces rendez-vous, tu seras toujours avec moi. Seigneur, merci pour ces enseignements. Merci, Seigneur, pour me rappeler la réalité de te suivre. Seigneur, touche mon cœur. Je n'ai pas peur de demain parce que je sais que tu es avec moi. Je n'ai pas peur, Seigneur, des rendez-vous parce que tu es avec moi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ouvre ta bouche et parlez à Dieu ce matin. Parce que Dieu est fidèle. N'aie pas peur de demain, parce que Dieu est avec toi. La Bible dit qu'il connaît les projets qu'il a pour vous, les projets de bonheur, de vous donner un espoir et un avenir. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Alléluia. Seigneur, merci pour ces enseignements. Merci pour la vérité qui libère. Seigneur, fortifie-nous dans l'homme intérieur afin que nous puissions tenir au jour de la tentation. Merci Seigneur. Fais-nous grâce Seigneur de continuer à te servir pour le reste de nos vies. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je veux prier pour vous ce matin. Si vous êtes là et vous ne connaissez pas le Seigneur personnellement, vous ne pouvez pas échapper aux quatre rendez-vous. Que vous soyez en Christ ou pas en Christ. Ces rendez-vous sont là pour nous tous. Et si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, je ne sais pas comment vous allez survivre les rendez-vous, aux rendez-vous. Aujourd'hui, mon frère, je vous conseille de l'inviter dans votre cœur. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu sais où tu iras? Est-ce que tu sais si tu iras en enfer ou si tu iras au ciel? La Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Tu ne sais même pas si tu es né de nouveau ou pas. Aujourd'hui, je veux te donner l'opportunité de connaître Jésus-Christ personnellement, de lui donner votre cœur, de dire « Seigneur Jésus, je ne veux pas aller à ces rendez-vous sans toi à mes côtés parce que je sais que je ne pourrai pas tenir. Je t'invite dans mon cœur. Je veux que tu me pardonnes, Seigneur. Que tu viennes dans ma vie. Tu fais de moi une nouvelle créature. Seigneur, je veux vivre avec toi. Je veux être avec toi. Je veux que tu sois avec moi. Si tu es là comme ça et tu veux accepter Jésus-Christ dans ton cœur, je veux prier pour toi. Lève la main seulement que je puisse voir. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Lève la main, je veux prier pour toi. Lève la main. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Dieu est réel. L'enfer est réel et le ciel est réel. Aujourd'hui, tu veux prendre une décision. Tu veux dire, Lady Pastor, prie pour moi. Je ne veux pas aller en enfer. Merci, je vois la main levée. Que Dieu te bénisse. Si tu veux faire cette prière, lève la main. Si tu as levé la main, je vais vous demander de faire une chose. Viens, viens vers moi. Je veux prier pour toi, ma soeur. Viens. Viens devant. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Soyez bénis. Soyez bénis, ma soeur, viens. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ? Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ? Ok, ma soeur, nous allons prier. Je vais demander à tout le monde de prier avec nous. C'est un moment très important. Soyons sérieux. Fermons les yeux. Et prions ensemble. S'il vous plaît, répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de m'avoir parlé aujourd'hui. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Sans toi, je ne pourrais pas y arriver. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes mes erreurs, tous mes péchés. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens régner dans mon cœur. Seigneur Jésus, sois le maître de ma vie. Prends le contrôle de ma vie, Seigneur. Fais de moi une nouvelle créature. Pardonne-moi de tous mes péchés et lave-moi, Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre. Je vais te servir. Je te donne ma vie, Seigneur. Fais ce que tu voudras avec ma vie. Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens plus. Je ne te suivrai plus. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Seigneur Jésus, merci de m'avoir accepté. Fais de moi ce que tu voudras. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Merci de m'avoir aimé. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir lavé, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir. Seigneur Jésus, je te remercie. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ton amour, pour ton salut et pour ton pardon. Fais de moi ce que tu voudras, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort le Seigneur? Ma sœur, félicitations. Voyez la sœur Aurélie, elle aimerait vous parler, suivez-la. Elle va vous dire un mot, après vous allez gagner votre place. Merci, acclamez très fort le Seigneur.